Maya dans l'obscurité, on complote contre avec mes anges morts. Mais gros, je dois faire des milliards, j'ai la bonne stratégie, même quand je dors. Shenzhen, fleuri furtif, number 7, appelle-moi Captain. Double 6, 7 cartel, de l'autre côté de la Stargate. Double F gang, équipage de pirates, vous pouvez pas vraiment nous voir comme des mirages. Je suis mon plan, négro, je compte ni sur la chance, ni sur un miracle. J'avance, poursuis ma quête, je me rapproche de mon but, négro. On rentre dans le rap game, objectif, éliminer ces types, négro. Je m'en tiens à mon plan, je le fais avec et pour mon clan. Négro, nos vrais noms plantes. Dans les ténèbres, on se plante. Furtif comme Supercell, on frayait en secret comme les Bilderberg. Vision nocturne, camouflage optique, mentalité franc-maçonnique. Négro, on va faire nos bails en famille sur le long terme comme les Rothschild. Fuck l'industrie, on vous nique juste avec des sordides. Aquarium dans laboratoire, je fais des expériences comme un alchimiste. Négro, je progresse vers le sommet comme un alpiniste. Faya, famille, jambes vertes, trèfle à quatre, et triangle à l'enfer. Négro, fuck être dans le game, je vais être un roi noir comme à l'ancienne. Je m'en tiens à mon plan, je le fais avec et pour mon clan. Négro, nos graines, mon plan. Dans les ténèbres, on se plante. J'observe, je monte mes chicots à leurs obsèques. Je paierai cher pour en torturer certains comme dans Hostel. J'explore le côté obscur, jeune site, appelle-moi Dark Chain. Négro, je recherche le pouvoir noir comme Marcus Garvey. Sans dreadlock, je suis comme un rasta. Je me sens comme un dirty bastard. Défracté dans mon aéronef, je survole les géoglyphes de Nazca. J'aime le cash, même si c'est satanique. Chris Carlyon, France Carmen, la matrice. Plus de midi que Anakin, Afro Samurai, je suis la main de la tactique. Je m'en tiens à mon plan, je le fais avec et pour mon clan. Négro, nos graines, mon plan. Dans les ténèbres, on se plante. Merci.